بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فها نحن في الدرس الرابع من كتاب الصلاة في عمدة الأحكام. Nous sommes donc au quatrième cours dans le livre de la prière dans Umdat al-Ahkam. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليه. Et donc le hadith de Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du dhuhr bil hajira. On verra plus tard ce que signifie le mot bil hajira, insha'Allahu ta'ala. Et la prière du asr, alors que le soleil était encore naqiyya, c'est-à-dire le soleil était encore vivant. On verra encore plus tard, insha'Allah. Wal maghriba idha wajabat. Et il accomplissait la prière du Maghreb lorsque le soleil se couchait. Wal Isha, la prière du Isha, ça dépend. S'il voyait que les croyants étaient rassemblés, ils étaient arrivés, alors il priait tôt. Et s'il voyait qu'il mettait du temps à venir, alors il retardait un peu la prière. Et il accomplissait la prière du Subh Biralessin, c'est-à-dire, comme on a vu la dernière fois, Rales, le mélange de l'obscurité et de la lumière, avec, et donc il y avait encore de l'obscurité. Muttafaqun alayh. Fi hadha al-hadith bayan awqat as-salawat al-khams. Il y a dans ce hadith l'explication et le détail des heures, des horaires des cinq prières. Al-oula adh-dhuhr. Donc la première prière, la prière du dhuhr. Lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière du dhuhr bil hajira. Qala Sheikh Ahmed al-Najmi, al-hajira hiya ijtidadul harri fi nisf an-nahar. Al-hajira, c'est donc l'augmentation de la chaleur durant la moitié de la journée. La chaleur qui va augmenter au milieu de la journée. وقيل سميت كذلك أو بذلك اشتقاقا من الهجر الذي هو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ ويقيلون. Et il fut dit que le mot al-hajira, il a été appelé comme cela et qu'il a été tiré parce qu'il a été tiré du mot al-hajr. Al-hajr qui signifie le fait de délaisser. Et cela parce que les gens, à ce moment-là, ils délaissaient tout travail pour aller se reposer. Car c'est le moment où il faisait donc chaud, et ils délaissaient tout travail pour aller faire la sieste. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر. L'imam Muslim a cité dans son recueil, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Abridu bil-dhuhr », c'est-à-dire « retarder la prière du dhuhr jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud. » Retarder la prière du dhuhr jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud. Et donc nous avons ce premier hadith qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait bil hajira, donc la moitié de la journée, au milieu de la journée, le moment où il va faire donc le plus chaud. Et le deuxième hadith dans Sahih Muslim qui nous montre que le prophète a ordonné de retarder la prière jusqu'à ce qu'il fasse moins chaud. وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. قَالَتِ الْعُلَمَا الْمُرَادُ بِالْهَاجِرَةِ هُنَا هُوَ زَوَالُ الشَّمْسِ. Les savants, ils ont dit, ce qui est voulu par Al-Hajira, ici, dans le premier hadith qu'on a vu, c'est le déclin du soleil. Et donc, Jabir, quand il nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière bil-Hajira, ça veut dire, il accomplissait la prière au déclin du soleil. À partir du moment où le soleil commençait à décliner. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس كما جاء في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تدحض الشمس. Et donc comme cela a été cité dans le hadith de Abi Barza aussi, le prophète صلى الله عليه وسلم accomplissait la prière du dhuhr lorsque le soleil commençait donc à décliner. لكن إذا كان اليوم شديد الحر أمرهم بتأخير الصلاة حتى تنزل الحرارة. Cependant, si c'était un jour de forte chaleur, alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de retarder la prière jusqu'à ce que la température descende. Et donc, concernant l'application de ces deux hadiths, tout dépend de la situation. La chaleur. Donc, est-ce que c'est une forte chaleur dure à supporter ou pas ? إذن أول وقت الظهر أول وقت الظهر عند زوال الشمس كما جاء في قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس. Et donc, le début de la prière du Zohar, le début du temps du Zohar est donc commence à partir du déclin du soleil. Comme on le voit dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa aqimis salat liduluki shams, et accomplis la prière lors du déclin du soleil. Et aussi donc, les savants sont unanimes sur ce sujet. Donc le début du temps du dhuhr. Taïb, ma huwa akhir waqt adh-dhuhr? Quel est le dernier moment, quelle est la fin du temps du dhuhr? Ikhtalafat al-ulama. Les savants, ils ont divergé concernant la fin du temps du Zuhur. El qawl al-awwal wa huwa madhhab al-Shafi'i wa Ahmad wa riwaya an Abi Hanifa anna adh-dhuhra ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlahu. Le premier avis, qui est l'avis de l'imam al-Shafi'i, Ahmad, et aussi une riwaya, donc un des avis de l'imam Abu Hanifa, qui est que la prière du Zohr s'étend jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit égale à elle-même. L'ombre de chaque chose soit égale à elle-même. Une chose, elle mesure 2 mètres, son ombre mesure 2 mètres. وَدَلِيلُهُمْ حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ حَدِيثُ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله. Et leur preuve est le hadith de Abdullah ibn Amr, qui est dans le recueil de l'imam Muslim, qui stipule que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et le temps du Zohar, c'est-à-dire donc le début du temps du Zohar, إِذَا زَلَتِ الشَّمْسِ, donc au déclin du soleil. Et donc, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose, jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit égale à elle-même. الْقَوْلُ الثَّانِي, le deuxième avis. وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكِ. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah. أنه إذا صار ظل كل شيء مثله. أنه إذا صار ظل كل شيء مثله دخلنا في وقت مشترك بين الظهر والعصر. L'avis de l'imam Malik, c'est que à partir du moment où l'ombre de chaque chose est égale à elle-même, nous rentrons dans un temps qui est donc commun, barakallahu fik, un temps qui est commun pour la prière du Zahar et du Asr. Un temps commun pour la prière du Asr. C'est-à-dire que la prière du Zohar commence à partir du déclin du soleil. Et lorsqu'on arrive à ce que l'ombre de chaque chose est égale à elle-même, on rentre dans un temps commun. Qui dure, ils disent, donc le temps de faire 4 unités de prière. Le temps d'accomplir 4 unités de prière, c'est-à-dire que le temps du Zohar, il ne se finit pas lorsque l'ombre de chaque chose est égale à elle-même, mais ça continue encore un peu. Ma huwa daliluhum? Daliluhum ma akhrajahu Abu Daoud fi Sunani min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala amani Jibril 'inda al-bayt marratayn fa salla bi adh-dhuhra hina zalat ash-shams wa kana qadra ash-shirak وصلى بي العصر حين كان ظل حين كان ظله مثله. Et donc leur preuve, le hadith donc rapporté dans Sunan Abi Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Jibril a prié avec moi, Jibril a dirigé la prière avec moi deux fois. Ce qui est voulu par deux fois, c'est-à-dire deux jours. Ce n'est pas deux fois deux prières, c'est deux jours, parce que chaque jour, ils ont fait plusieurs prières. Et donc deux jours. Il a donc prié avec moi, il a donc accompli avec moi la prière du Zohr lorsque le soleil s'est décliné, au déclin du soleil. Et que donc l'ombre ici ce qui est voulu donc par donc la taille d'un lacet, c'est l'ombre. L'ombre était de la taille d'un lacet, la taille d'un lacet. Et puis après cela, il a prié avec moi, il a accompli avec moi la prière du Asr, lorsque son ombre était égale à lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui continue en citant plusieurs prières, et ensuite il dit « Falamma kana al-ghadu, salli bi adh-dhuhra hina kana dhillahu mithlahu » Il continue, ensuite il dit « Et le lendemain, il a prié avec moi le Dhuhr lorsque son ombre était semblable à lui-même. » On constate quoi? Nous l'achèv anna Jibril صلى الظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر في اليوم الأول. Et donc on remarque que dans ce hadith, Jibril a prié avec le prophète صلى الله عليه وسلم la prière du Dhuhr au même moment qu'il a accompli la prière du Asr le jour d'avant. Le premier jour, il dit, il a prié avec moi le Asr quand son ombre était égale à lui-même. Le lendemain, il a accompli avec moi la prière du Dhuhr quand son ombre était égale à lui-même. Et donc, les deux prières, elles ont été faites au même moment, avec un jour de décalage. Voilà pourquoi l'imam Malik, il s'appuie sur ce hadith pour dire, lorsque l'ombre devient semblable à l'individu ou à toute chose, à ce moment-là, on est dans un temps donc commun entre les deux prières. Ensuite, فَنَحْنُ مَذَا نَكُولِ. Et donc, nous, qu'est-ce que nous disons ici? هَذَا لَا يُسَلَّمْ لَهُ. Et donc, ici, on ne va pas accepter cette argumentation. Pourquoi? لِأَنَّهُ جَاءَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ. Le prophète, donc il a été cité à la fin du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis Jibril s'est tourné vers moi. Fekole, alors il a dit, Ya Muhammad, Hada waqtul anbiya'i min qablik. Ô Muhammad, ceci est le temps des prophètes avant toi. Wal waqtu ma bayna hadhayn al waqtayn. Et le temps est entre ces deux moments. C'est-à-dire qu'on a prié à tel moment et à tel moment, et le temps de la prière, il est entre les deux. Le temps de la prière, il est entre les deux. Il ne dépasse pas les deux. Le temps de la prière, il est entre les deux. Donc c'est comme ça que Jibril, il a enseigné le temps de la prière au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la preuve n'est pas acceptable concernant cet avis. Wallahu a'lam. Al-qawl al-thalith, le troisième avis. Wa huwa al-mashhur an Abi Hanifa rahimahullah. Et c'est l'avis qui est connu de Abu Hanifa rahimahullah. Wa huwa anna waqt adh-dhuhri yamtaddu ila an yasira dhillu kulli shay'in mithlayhi. Et donc cet avis, il dit que le temps du dhuhr s'étend jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit mesure le double de la chose. Jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose mesure le double de la chose. Quelle est la preuve? Et donc, il est beaucoup plus long que les autres avis. Daliluhu, rahimahullah, me akhrajahu al-Bukhari, fi sahihihi, an Salim ibn Abdillah, an Abi, annahu akhbarahu, annahu sami'a Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul. Leur preuve, donc le hadith qui a été rapporté par al-Bukhari dans son sahih, selon Salim ibn Abdillah, selon son père, qui lui informe qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Taïb, c'est qui Salim ibn Abdillah? C'est qui son père? Puisqu'ici, ça, il n'a pas cité. Salim ibn Abdillah, selon son père, qui lui dit qu'il a entendu. Salim ibn Abdillah, selon son père. C'est qui Salim ibn Abdillah? C'est qui Abdullah, le père de Salim? Hein? Abdullah ibn Omar. Abdullah ici, c'est Abdullah ibn Omar. Salim, c'est son fils. Taïb, c'est qui Salim? Vous savez c'est qui Salim? Salim? Ouais. Le fils de Abdullah ibn Omar. Les savants, ils disent, à l'époque des tabi'in, donc on a l'époque des sahaba, Salim, il fait partie des tabi'in. Il ne fait pas partie des compagnons. Mais par contre, à l'époque des tabi'in, ishtahara sab'a lil futya. Il y en a sept qui ont été connus pour faire des fatwas à Médine. C'est-à-dire, à Médine, ce n'est pas tout le monde qui faisait les fatwas. Ils disent, certains savants, il y en avait sept qui faisaient des fatwas. Et voilà pourquoi, donc, il y a donc quelques vers de poésie. Pour cela, إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ رِوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَةً فَكُلْهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ سَعِيدٌ لا سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَةً Saïdun Abu Bakrin Suleiman ou Kharija. Taïb, et donc, Fakulhum Ubaydullah. Ubaydullah, le premier qui a été cité ici, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Urba. Urwa ibn Zubayr. Connu. Fakulhum Ubaydullah Urwatun Qasim. C'est qui Qasim? Là. Al-Qasim ibn Muhammad. C'est qui Al-Qasim ibn Muhammad? On a vu l'autre fois. On a vu lors de la divergence dans la Sira. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Abul Qasim? Exactement. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Et donc, Fakulhum Ubaydullah, Urwatu Qasim, Sa'idun. Là. Saïd ibn al-Musayyib. Et donc Saïdun, Abu Bakrin, Abu Bakr ibn Abdurrahman. سعيد أبو بكر سليمان سليمان بن يسار Et enfin, pour finir, Kharija, Kharija ibn Zayd. Taïb, vous allez me dire, Abdel Karim, il est où Salim? Tu nous as dit Salim, il fait partie de l'Fuqaha Saba, tu nous cites un vers de poésie, tu en as cité 7, et Salim, il n'est pas dedans. Je vais vous dire, ittafaqa al-ulama ala sitta. Les savants sont unanimes sur 6 d'entre eux, 6 de ceux que je vous ai cités. Sauf... Non, le khilaf, ce n'est pas sur le 7e qui a été cité. Le khilaf, c'est sur Abu Bakr. Abu Bakr ibn Abdelrahman. Certains savants vont citer les 6 et à la place d'Abu Bakr, ils vont citer Salim. Salim ibn Abdillah. Et certains savants vont citer les 6 et à la place d'Abu Bakr et à la place de Salim, ils vont nous mettre Abu Salama ibn Abdelrahman. Et donc, en gros, on en a 9. 9 personnes qui étaient connues pour la fatwa, donc à cette époque, à Médine. Et donc, Salim, donc le fils de Omar, il était connu pour cela. Il était connu parmi eux. Et donc, il nous rapporte ce hadith de son père qui lui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Innama baqa'ukum fi salafi man salaf » إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. Certes, la durée de temps, votre durée de temps qui vous est déterminée, comparée à celle des autres communautés qui vous a précédé, est comparable au temps qu'il y a entre la prière du Asr et le coucher du soleil. Et donc, les communautés qui nous ont précédés, elles ont eu un temps. Et nous, notre temps, c'est du Asr jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est pas un temps qui est long. Cette communauté, ce n'est pas un temps qui est long. Il continue en disant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Utiya ahlu al-tawrati al-tawrata fa'amilu hatta idhan tasafa al-naharu ajizu ou ajazu » Et donc, les gens de la Torah, ils leur furent donnés la Torah. Ils ont donc œuvré jusqu'à la moitié de la journée, c'est-à-dire al-dhuhr. Ils ont donc œuvré jusqu'à la moitié de la journée, puis ils sont partis, les gens de la Torah. Alors, il leur fut donné à chacun d'entre eux un kirat. Kirat, donc comme la montagne de Uhud. À chacun d'entre eux, comme donc un kirat, la récompense. Thumma utiya ahlul injili el injila. Fa'amilu. Et donc, ensuite, les gens de l'évangile, ils leur furent donnés l'évangile. Ils ont donc œuvré ila salat al-asr, jusqu'au temps du asr. Ils ont œuvré jusqu'au temps du Asar. Fa'ajizu. Ensuite, ils ont... Donc, les savants disent, c'est la mort. Alors, ensuite, ils sont morts. Donc, les gens de l'Évangile. Ceux qui œuvraient vraiment avec l'Évangile. Donc, leur temps qui leur a été déterminé, c'est comme si c'était un temps qui était du Dhuhr jusqu'au Asar. Fa'u'atu kiratan kiratan. Alors, chacun d'entre eux lui fut donné un kirat, la récompense donc, comme la montagne de Uhud. Thumma utina al-Qur'an. Puis, le Coran nous a été donné. Fa'amilna hatta ila antaroub ila ghuroub al-shams. Nous avons œuvré jusqu'au coucher du soleil. Fa'u'atina kiratin kiratin. Et donc, notre temps... Il s'est terminé, le temps de la communauté. Ça y est, la communauté de Mohammed, elle a disparu. Et donc, leur récompense, kiratayn à chacun. À chacun. Fekala ahlul kitabayn. Aïe rabbuna, aïe rabbana. Oh Allah, les gens des deux livres, la Torah et l'Évangile, ils disent, oh Allah, a'tayta ha'oulai kiratayn wa a'taytana kirat. Tu as donné à ces gens-là deux kirats et tu nous en as donné un seul kirat. Allah tabaraka wa ta'ala qui répond en disant Hal zalamtukum min ujurikum shay'an? Est-ce que je vous ai fait injustice concernant vos récompenses? Je vous ai donné tous vos droits. Est-ce que je vous ai retiré certaines de vos récompenses? Il dit Allah, non. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Hadha fadli u'tihi man asha'u min ibadi. Il dit ceci est ma faveur à qui j'accorde, à qui je veux parmi mes serviteurs. Fa hadha al-hadith ya ikhwa istadalla bihi al-imam Abu Hanifa ala anna waqt as-salat yamtad ila an yasir waqt ou ila an yasir dhillu kulli shay'in mithlay. Abu Hanifa s'appuie de ce hadith pour dire que la prière du Zuhr elle s'étend jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose soit deux fois égale à elle-même. Et comme vous pouvez le constater, ce hadith ne concerne pas le temps des prières. Ce hadith n'est pas lié au temps des prières. Wa inna ma hadha al-hadith yadulluna ala fadli hadhihi al-umma. Cependant, ce hadith, il nous montre les faveurs de cette communauté. Les faveurs de cette communauté. Et donc la vie la plus juste est la vie de al-jumhur. Al-jumhur, la majorité des savants. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا excusez-moi pour la durée du cours.